¿Se le cae? Ça, c'est... Là, on est dans un niveau... Franck Michael. Il y a un leak. Et ce leak, en plus, vous appartient. Bon, ça fait fais-moi l'arpège. Hein. Parce qu'on va la rappeler, parce que c'est... vraiment le cerveau. Mais bon, là c'est petit bras. Ça faut que ça. Ça, il faut que ça passe au-dessus du tout. Donc faut. Ok. Ok. Bon. Putain. C'est faut vous habituer à être cadré. On va de plus en plus vers ça, de la rigueur, de la discipline, putain. Déjà qu'on est un peuple de médiocres. Si en plus on sait pas se tenir ce... Putain, là. Voilà quoi, les ronds dans les ronds, les carrés dans les carrés. On travaille plus pour gagner plus, putain. Thank you. ton visage. Tu marches sur la Romo. Les gens ne te touchent pas. Tu voudrais dialoguer. Impossible d'avancer.